depuis bien longtemps. C'est pas mal mon premier collaborateur, c'est Phil Desgagnants, Facebook Live. Salut Phil! Salut Danny. Phil, on va évidemment parler d'abord du Canadien. Est-ce que tu es emballé par le début de saison? Moi, sans dire, écoute, ce serait malhonnête de dire qu'ils n'ont pas une meilleure équipe, là. Sauf que, comme Jack Jouard dit cette semaine, on ne peut pas évaluer ce club-là. Tu ne joues pas contre Colorado, tu ne joues pas contre Vegas, tu ne joues pas contre Washington, tu ne joues pas contre les grosses formations. Il y a Toronto et Calgary. Donc, c'est dur à évaluer, là. Ben, oui, c'est dur à évaluer, mais il faut quand même donner crédit à Marc Bergevin d'avoir réussi. Moi, je pense que la principale chose que Marc Bergevin a réussi à faire, il a grossi son club. Ouais. Moi, le Canadien de Montréal, je lui reprochais d'être un club petit. C'est un club qui, quand il arrivait en fin de saison, manquait d'énergie. On arrivait dans les séries éliminatoires, on manquait au niveau physique. Donc, moi, je pense que c'était l'une des lacunes importantes chez le Canadien de Montréal. La plus grande amélioration du Canadien de Montréal est en défensive. Actuellement, jouer contre le Canadien de Montréal défensivement, la grosseur des défenseurs qui sont là, c'est dur pour les joueurs adverses d'être présents devant le filet. L'arrivée Ouais. aussi de Jake Allen, qui est un deuxième gardien, l'année passée, le deuxième gardien n'a gagné aucune victoire pour le Canadien de Montréal. Jake Allen a déjà prouvé, depuis qu'il est arrivé, qu'il est un gardien de premier plan, qu'il est un gardien qui pourrait être numéro un à bien des clubs de la Ligue nationale, et il va bien seconder. Donc, moi, personnellement, je pense que dans le cas de Jake Allen, c'est un ajout important et ça donne d'excellents résultats au moment où on se parle. Ben oui, c'est clair. Écoute, c'est 20-25 points de plus hein, avec un bon gardien de but. Là. Puis le 20-25 points, un bon deuxième, ça fait toute une différence. Et non seulement, c'est que ça repose Carey Price aussi. Là. On l'a vu dans la bulle à Toronto cet été. Price, quand il est reposé, c'est pas le même gardien de but non plus. Là. Il est Effectivement, ça. excellent. Puis, il y a une chose également qu'on n'a pas notée depuis le début de la saison, c'est l'ajout, je pense, que de joueurs quand même importants qui enlèvent de la pression à Ouais. Jonathan Drouin, qui en principe devrait être le joueur numéro un chez les Canadiens de Montréal au niveau de l'attaque. Et là, Drouin joue à l'aise, il a l'air heureux, il n'y a pas la pression médiatique Non, de c'est vrai. il n'a pas marqué des buts ou pas. Je regarde, le premier marqueur du Canadien actuellement, c'est Toffoli, qui a un début de saison quand même assez exceptionnel, oui. Et en plus, c'est Petrie qui est le deuxième marqueur chez le Canadien de Montréal. Donc, on voit très bien que de ce côté-là, ça va aider. Et je regardais l'attaque à 5 du Canadien hier contre Calgary. L'attaque à 5 du Canadien est plus impressionnante physiquement. Quand tu as Perry devant le filet, tu as plusieurs joueurs de gros gabarits qui sont là, ça change la donne. Moi, personnellement, le Canadien a une bonne amélioration. Oui, c'est sûr. Il n'a peut-être pas joué contre le Colorado, il n'a pas joué contre les Blues de Saint-Louis. Mais la confiance s'installe. Ouais. Et deux, le Canadien a plus de profondeur. Quand tu es ton quatrième trio, tu vois ce que le Canadien donne depuis le début. Moi, Jake, comment ça s'appelle? Jake Evans, Jake Evans, oui. donne ben, pour, comme Ah, quatrième centre, là, un luxe que le Canadien n'avait pas l'année passée. regarde. Non. Donc, ce gars donne de la profondeur au Canadien. Maintenant, est-ce que il jouerait dans d'autres sections? Je regarde Boston, qui ont perdu des éléments importants. Oui, quand même, ils vont bien, mais les Canadiens pourraient rivaliser. Deux, je regarde. Moi, je pense que les grosses équipes de l'autre côté, t'as vraiment le Colorado qui est un bon club, Saint-Louis qui est un bon club, Las Vegas qui est un gros club. On ne peut pas éliminer Tampa Bay puis non plus Washington, mais ça, que le Canadien peut se situer parmi les 8 à 10 clubs, les meilleurs clubs de la Ligue nationale. Il n'était pas là l'an passé, là. Le Non. Canadien, 15e, 16e, 17e, toujours sur le bord. Donc, moi, personnellement, je pense que dans le cas de Marc Bergevin, il a fait le travail. Et l'arrivée de Romanov, là, Ah ouais. recrue. C'est une grosse acquisition, Romanov. Des 17, 18, 19 minutes, c'est incroyable. Là. Puis il joue bien, là. Puis écoute bien, là. Marc, moi, je ne suis pas surpris parce que la KHL, c'est quand même plus fort que la Ligue américaine. Puis les rapports étaient excellents. Ben, je suis surpris dans un sens, parce que la patinoire européenne, Phil, et la patinoire nord-américaine, c'est pas la même patinoire. Romanov ne semble pas du tout affecté par ça, là. Le défenseur, c'est peut-être plus facile de s'adapter. Un attaquant qui fonce, qui coupe les défenseurs, peut-être un peu plus difficile. Mais actuellement, Romanov est impressionnant. Ouais. Deux, Kulak joue du hockey tout à fait exceptionnel avec lui. Tu sais, je veux dire, je regarde les 6 défenseurs du Canadien au moment où on se parle, tu as de la profondeur. Je te regarde, Armania qui est blessé actuellement. Corey Perry. C'est Corey Perry qui le remplace. Tu sais, tu as de la profondeur. Tu en as d'autres encore qui sont là, qui attendent pour prendre la relève. Donc, ce que le Canadien n'avait pas au niveau de la profondeur, là, il en a de la profondeur. Et deux, c'est qu'il est capable de dire, il est capable d'avancer plus loin, un petit peu plus avec le club que j'ai là. Et moi, je pense que le Canadien est assez bien équipé pour faire un bon bout. Je vais parler de ma deuxième équipe, parce que d'ailleurs, les Canadiens, j'ai les Pingouins de Pittsburgh. J'ai toujours aimé cette équipe-là depuis Mario Lemieux. Et hier, cette semaine, Jim Rutherford a démissionné comme poste de directeur général. Et Rutherford, écoute, ce qu'on apprend, Phil, c'est que il aurait été sur le marché pour échanger Chris Letang. Et la direction dont Mario Lemieux aurait dit non, puis c'est par la suite que Rutherford aurait démissionné. Les Penguins de Pittsburgh, c'est une équipe vieillissante, là. Le temps, les Malkin, ils ont quand même plusieurs équipes. Il y a plusieurs. Et ils ont cette année les limogés Matt Murray, mais quand même, est-ce que tu penses que les Penguins de Pittsburgh. Moi, je pense qu'on a manqué le bateau avec Malkin. On aurait dû l'échanger là, un an ou deux pour Ben, commencer écoute, à rejoindre le programme de. c'est une équipe qui a remporté deux Coupes Ouais. Stanley. Quand tu remportes deux Coupes Stanley, tu as toujours une période un peu plus creuse. C'est un peu ce que vit actuellement les Penguins de Ouais. Pittsburgh. C'est que, oui, il y a toujours Sidney Crosby, oui, Malkin, mais Malkin, écoutez, il est Ouais. en fin de carrière, il est au-delà de 30 ans. C'est de plus en plus. Deux, il manque peut-être de jeunes. En défensive, ce n'est pas une équipe qui est bien nantie en défensive, à part Chris Letang. Tu échanges Chris Letang, là. T'as qui pour le remplacer? Il joue 22, 23, 24 minutes par match. T'as pas Ouais. beaucoup de monde pour le remplacer. Donc, moi, personnellement, je suis pas surpris. Puis deux, un directeur gérant, quand il a fait 7 ou 8 Ouais. ans, souvent, on veut du renouveau, on veut quelqu'un qui a une nouvelle philosophie. Et deux, c'est la nouvelle philosophie de jeunes qui arrivent à la direction d'équipe. Là, les temps de C'est glace. qu'avancer, puis ainsi de suite, là. Exactement. Ça change aussi. Puis moi, je pense qu'il est rendu à 71 ans. Je ne te dis pas qu'il est trop vieux, mais je te dis simplement que ça, il y a plus de jeunes, ça change un peu. C'est comme les joueurs de la Ligue nationale. Avant, des gars de 35, 34, 36 ans, il y en avait plusieurs. Maintenant, tu n'en as plus de ces joueurs-là presque. Pourquoi? Parce que les jeunes arrivent à la Ligue nationale, puis à 22, 23, 24 ans, Plafond ils salarial aussi, là. exactement. Puis le plafond salarial est un autre item Ouais. important actuellement. Dernier, ben j'ai deux petits points, Phil. T'as arbitré Mario Lemieux. Oui? Je veux savoir, Jeff Filion et Dominique Morin, je vais tout en reparler. Ils ont dit avant les fêtes, Jeff Filion racontait dans son émission à Dominique Morin que Mario Lemieux, c'est lui-même qui décidait, quand il était à l'époque avec les voisins de Laval, qui décidait, il disait à ses coéquipiers comment qu'il allait marquer de but durant le match. Est-ce que tu as eu vent de ça, toi? Ah, moi, Mario Lemieux, je l'ai arbitré, effectivement. J'étais sur la glace en même Ouais, temps que ouais. lui. Je ne peux pas dire qu'il est chaud. Moi, les seules choses que je voyais de Mario Lemieux n'étaient pas tout Ouais. à fait exceptionnelles. Moi, je me rappelle d'un soir à Shawinigan, il faut que je te raconte ça. Il avait 17 ans. Il arrivait dans la ligue. Et de l'autre côté, il y avait un tough qui s'appelait un nommé OK. Wood. Et lui, là, puis lui, à chaque mise au jeu, Ron Lapointe l'envoyait. Puis pour mettre la mise au jeu avec Mario Lemieux, puis il essayait toujours de bousculer Mario Lemieux, de monter le bâton dans le visage, puis il dérangeait. Mario Lemieux, il me dit, moi, du fil, là, je suis tanné. Il dit, à la prochaine mise au jeu, si je le dégaine, je lâche les mitaines, puis il dit, je me pogne avec, tu me mets-tu dehors? Je dis, Mario, pourquoi tu te pognes avec? Il dit, je suis tanné, j'ai pas peur de me pogner avec. Je dis, je suis sûr d'une chose, je te mettrai pas dehors. Sais-tu quoi? L'aréna est bien pleine. Sais-tu quoi? Ils ne sont pas venus pour voir Non, jouer Hood, ils sont venus voir Mario Lemieux. À la mise au jeu suivante, il a lâché une mitaine avec Hood. Tu peux te dire que Hood, là, il a eu plein son casque, c'était le top de l'équipe, là. Mario Lemieux, c'est un gars qui était présent sur la glace. Et les présences étaient peut-être un peu plus longues qu'un ben joueur ouais. normal, mais il était tellement dominant, là. Moi, je ne peux pas dire qu'il décidait du nombre de buts, Ouais. mais à ce moment-là, des Ouais. marqueurs de 50 buts puis 60 buts, il y en avait. Aujourd'hui, les systèmes de jeu, la défensive, les gardiens de but, c'est totalement Mais c'était différent de l'époque où des Patrick 8-9 Marleau points jouait. par. Ben, c'était régulièrement des 6-7-8 points par match. Ah oui, il était dominant, mais Laval avait une bonne équipe de hockey. Hein? Mais Mario Lemieux, là, c'est un des joueurs de la Ligue nationale, là. Tu sais, c'est un peu comme Crosby les années où il a joué dans le junior majeur. Crosby était dominant, comme l'était Pat LaFontaine. Moi, j'ai arbitré Pat LaFontaine. Junior, c'est un joueur dominant également dans sa façon de faire. Donc, écoutez, des saisons des équipes Ah, marquaient 300, 350, 400. Lui, yeah. sais-tu quoi? Il marquait en moyenne 7, 8 buts, 7, 6, 7 buts par match. Aujourd'hui, Ouais. là, c'est très rare une partie de 6, 7 buts. Dans ce temps-là, c'était monnaie courante. Ça ne l'est plus maintenant aujourd'hui. Ouais. Phil, dernier point, je vais te parler de Tom Brady. Écoute, est-ce que tu n'as vu plus que nous autres des athlètes dans le monde du sport? Est-ce que Tom Brady est l'athlète de sport tout confondu, le plus grand athlète? Je pense de Michael Jordan, je pense également de Wayne Gretzky, je pense de Tiger Woods. Mais Oui. c'est un gars qui marque actuellement son sport. Moi, j'adore Tom Brady. Moi, j'espérais tout simplement que Tampa Bay, puis j'avais gagé avec Dave Hensley, que Tampa Bay pourrait être au Super Bowl contre Kansas City. Puis ça va arriver Ouais. dimanche le 5 ou 6 février. Moi, personnellement, je trouve que pour le football, c'est extraordinaire. T'sais, le jeune carrière qui arrive, qui est tout simplement Ouais. exceptionnel. Moi, je pense que le gars qui peut battre Tom Brady, c'est lui, là, actuellement à Kansas City. Actuellement, vraiment, là, il est flamboyant. Ah, gars, c'est incroyable. Effectivement. Mais Tom Brady, moi, je pense qu'il rend les joueurs avec lui meilleurs. Tom Brady n'a jamais fait de Non, non. série les dernières années. Il arrive là-bas, tout le monde dit, ben, tout le monde parlait de Bielanski qui était le coach derrière Belichick. Tom Brady. Mais là, on se rend compte que Belichick, on voit tout simplement que le coach, c'était peut-être pas lui, c'est Tom Brady qui dirigeait. Oui, il y avait les commandes, mais c'est Tom Brady qui était la grande vedette. Qui serait le plus grand? Bon, moi, personnellement, là, je suis un amateur de golf. Tiger Woods a révolutionné le golf. Okay. Il a révolutionné et a donné une popularité au golf qu'il n'a jamais eu Comme de Michael son histoire. Jordan, moi je suis un Comme amateur de basketball, là, tu sais. Michael Jordan au basketball. Ces gars-là, qui jouent actuellement dans la NBA, des gens qui jouent sur le circuit professionnel de golf peuvent dire merci à Jordan, ils peuvent merci au niveau monétaire, parce que ces gars-là ont rendu le tellement populaire, les droits de TV ont augmenté, les commandites ont augmenté, ça fait toute la différence au monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces gars-là sont arrivés, ils ont vendu leur sport, sont devenus des grandes attractions. Tiger Woods, là, je suis convaincu, moi, que la majorité des tournois sont prêts à lui donner 100, 150 000 avant le tournoi pour dire viens jouer, là. Gagne ou perd, on te donne 150 000. Pourquoi? Parce qu'il remplit. T'sais, il remplit. Jordan, c'est la même affaire. Jordan, c'est vraiment magique. C'est lui qui a internationalisé la NBA. Si la Exactement. NBA est populaire dans plus de 100 pays, dont en Chine, c'est Michael Jordan. Mais Ouais. le golf, c'est un peu avec Tiger Ouais, Woods aussi, est devenu en Asie, au ouais, Japon, ouais. partout en Europe. Le golf est devenu un sport majeur avec la télévision. Mais c'est Tiger Woods qui a fait arriver ça, là, honnêtement, là. Regarde. Mais, Mais par contre, Brady, ça va être un Super Phil, Bowl incroyable cette année. moi j'ai mis Brady parce qu'à 43 ans, moi, il coûte 43 ans, puis il est performant de même encore. Tu sais, Jordan n'a pas fait ça. Après ça, Tiger n'a pas fait ça également. Moi, c'est pour ça que je le mets. Je n'ai pas le Ah, choix de le mettre numéro un, là. Je n'ai pas le choix à cause de son âge, puis de la façon qu'il se performe à son âge, c'est sûr que physiquement, c'est extrêmement dur de jouer au football aussi. là. Tu sais, on peut t'arracher la tête à chaque fois qu'on veut te frapper, là. Mais il y a toujours le don d'être capable. Et deux, je lisais un article cette semaine de Auclair qui disait, tout le monde l'aime, tout le monde veut le protéger, tout le monde veut s'entourer, tout le monde veut être près de lui. Donc, il amène ce dynamisme dans une équipe que pas tout le monde peut amener. Et Brady le fait. Puis je pense qu'il a gagné son pari dans la joie à Tampa Bay, là. Honnêtement, là, il performe de façon exceptionnelle. OK. Phil, on s'en parle la semaine prochaine sur Facebook Live et on va avoir tes prédictions pour le Super Bowl. Merci.